Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à Dan. On va parler du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. On va parler avec l'attaquant Frédéric Mérette. Frédéric Mérette qui a joué quelques matchs dans l'organisation des Saguenay de Chicoutimi. C'est un attaquant très, très intéressant que le multiconcessionnaire est allé chercher au cours des dernières semaines. Salut Frédéric. Bonjour. Frédéric, évidemment, d'abord, je te lisais sur les médias sociaux, tu disais je reviens à mes anciennes amours et là on voit un uniforme de hockey. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu reviens dans tes anciennes amours? Ben en fait, j'ai toujours continué à jouer au hockey un petit peu. Au niveau hockey de compétition, ça me manquait. Okay. Au début de l'année, j'ai dit je vais aller m'essayer au camp d'entraînement, try-out à Donnacona, ça faisait peut-être 2-3 ans que j'avais pas joué au hockey. Fait que j'ai dit, c'est sûr que l'exécution sera pas là. Ouais. Donc, c'est sûr que quand t'arrives dans une équipe senior, puis ça fait un bout que t'as pas joué, que l'organisation te connaît pas, c'est pas pareil que quand tu viens de la place du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'es connu, ils connaissent de réputation, puis ils savent de quoi t'es capable. Mm. Fait que c'est ce qui m'a ramené, en fait, à proposer à l'organisation s'il restait de la place. Puis j'ai joué mon premier match à Charlevoix, là. Pas en fin de semaine passée, mais là, 2 semaines. T'as joué vraiment. T'es allé essayer dans la Ligue senior de Donnacona. Donc, puis moi, je dis tout le temps, ce serait le fun d'avoir des matchs interligues entre ces ligues seniors-là qui compteront au classement. Parce que, soit ça, ben, qu'il y ait une expansion, un ou l'autre. Est-ce que le calibre, y a-t-il une si grosse différence que ça dans le calibre? Il va y avoir une petite différence, mais sincèrement, le calibre de la Ligue au Lac-Saint-Jean, au fleuve, est assez forte. Je compare avec les autres ligues seniors qu'il y a partout au Québec. Okay. Et le calibre, je compare sincèrement le calibre du Lac-Saint-Jean plus fort que ce qu'on va voir dans les autres ligues seniors. Okay. C'est sûr que, contrairement aux seniors 3A, il va avoir une petite différence, mais vraiment une. OK. Donc, c'est quoi la vitesse d'exécution, le joueur de quatrième trio? C'est quoi en ça? Ben, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nord-américaine qui vont jouer, des anciens joueurs junior majeurs, des anciens, ouais, des gars de la Ligue nord-américaine. On sait que la Ligue nord-américaine, il y a un peu moins d'assistance aussi, comme j'ai pu apercevoir dans les derniers mois. La Ligue senior 3, je pense qu'il y a de plus en plus populaire, fait que les joueurs sont intéressés à jouer pour le senior 3A, fait que ça l'amène aussi beaucoup de joueurs de qualité. OK. Donc, évidemment, c'est ça la grande différence. Donc, tu as joué quelques matchs à l'heure actuelle. Le calibre, tu trouves très intéressant? Le calibre au niveau senior 3? Oui, on parlait de la Ligue du Lac au Fleuve. La Ligue au Fleuve, j'ai joué une game, j'ai joué à Charlevoix dimanche, voilà 2 semaines. OK. Fait qu'effectivement, c'est un très bon calibre de jeu. Je connaissais les gars, fait que c'est le fun de revenir avec une organisation où est-ce que t'es connu. C'est tous des anciens gars que j'ai joué au hockey avec. Donc c'est ça qui me plaît en fait pour cette année. Mon but c'est vraiment de rester avec le multi pour toute la saison. Puis je vais essayer de me libérer le plus que je peux avec mon travail vu que je suis à Québec. Ouais. Pour venir jouer à la saison. Est-ce que c'est quelque chose que tu parce que je sais que tu travailles à la maison Marc Leclerc a mené, est-ce que c'est des possibilités que tu reviennes au Lac-Saint-Jean ou t'es vraiment établi à Québec pour de bon? Je penserais pas revenir rester au Lac-Saint-Jean. J'ai adoré mon expérience pour la maison Marc Leclerc. Mais j'étais rendu à une autre étape. Puis j'adore ma nouvelle vie à Québec. Ça me dérange pas de faire de la route puis venir jouer au hockey au Lac-Saint-Jean. Ça me permet en fait de venir revoir ma famille en même temps. Ouais. Fait que je pense que ça fait juste bien. Non, okay. C'est pas... Mais est-ce que tu vas jouer régulièrement ou tu vas jouer sur les matchs à l'étranger ou d'ici la fin de l'année? Là, est-ce que tu entends jouer pas mal tous les matchs si tu veux? Je pense que je devrais donc jouer au moins 80% des matchs. Ah, OK. Puis t'es dans le temps du Marco Spa, bien sûr, ça fait un certain temps. Hein? T'es un excellent attaquant avec beaucoup de vitesse. C'est encore ça, j'imagine que t'es? C'est un attaquant de puissance. C'est sûr que dans le temps, j'avais beaucoup d'explosions, beaucoup de vitesse. Là, tu sais, je vais avoir 26 ans. J'ai été plusieurs années à plus haut niveau de compétition. Fait que c'est sûr que la vitesse est moins là qu'avant. Mais j'ai encore les mêmes qualités. Là, c'est encore un attaquant de puissance qui va compléter des mises en échec. Je suis plus reconnu pour mon lancer, en fait. Ouais. Puis c'est plus ça là, qui me représente. La vitesse d'exécution, ça fait un certain temps. C'est-tu bien dur à revenir après ça? Ça se perd vite, ça s'en prend vite. C'est comme du basic, hein? Effectivement, c'est la vitesse d'exécution. Je me donne tout le temps une couple de semaines. Tu sais, je vais faire un comparatif. Quand j'avais joué dans les sacs d'un an, l'année d'après, je suis allé dans les GHL, dans l'Ouest canadien. J'ai été blessé là-bas. Fait que j'ai comme été en arrêt pendant 3 ans au niveau de hockey de compétition. Puis j'ai recommencé, ma dernière année junior à Normandin, junior 2A. Quand j'ai commencé, c'est sûr que l'exécution, ça a pris plusieurs semaines avant que ça revienne. Ça faisait 3 ans que j'avais pas remis le patin quasiment. Fait que, mais après ça, l'autre moitié de saison, ça a vraiment repris toute ma vitesse d'exécution. Fait que je pense que là, j'ai recommencé cette année, en début d'année, de Donnacona. Difficile me faire justice parce que j'étais pas connu, puis ça faisait longtemps que j'avais pas joué, mais là, je recommence à prendre le rythme, puis c'est juste de bonne augure, là, pour la deuxième moitié de saison. Frédéric, c'est quand même très, très, très intéressant de voir ça. Donc, le multiconcessionnaire avec toutes ces acquisitions-là dernièrement, comment tu vois la fin de l'année de l'équipe? C'est sûr que le multi, on va avoir une équipe très compétitive. C'est juste une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Moi, je le souhaite énormément. Je veux contribuer dans le succès de l'équipe. J'ai une bonne confiance au niveau de ce qu'on peut faire pour les séries éliminatoires. OK. Ben Frédéric, on va te souhaiter des joyeuses fêtes au moment où on enregistre le podcast. Évidemment, c'est juste avant la période des fêtes. Par contre, ça va être diffusé durant la période des fêtes. Je te souhaite une bonne année 2019 avec le multiconcessionnaire et également beaucoup, beaucoup de santé. C'est ça la principale. Puis tous tes succès dans tes projets. Merci, Denis. Joyeux fête. Frédéric Mérette du multiconcessionnaire de Dolboom-Sisney.